À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, les rassemblements commémoratifs, séminaires sur les exploits, conférences, expositions de livres et de photos et séances de films ont eu lieu du 2 au 4 courant en Suède, au Mexique, en Ouganda, en Finlande, en Indonésie, en Russie et en Inde. Dans les salles de cérémonie tenues au Mexique, en Ouganda et en Suède, étaient affichés les portraits en sourire des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il. Aux expositions, on a présenté les livres et photos sur les fières réalisations de nos militaires et civils obtenues dans l'éducation de la puissance socialiste. Dans les séances de films, ont été projetés le film coréen « Ma patrie victorieuse grâce à l'unité monolithique ». Les orateurs ont indiqué que le président Kim Il-sung, le général Kim Jong-il et le maréchal Kim Jong-un ont accompli les exploits mortels pour transformer la Corée en puissance politique, idéologique et militaire. Les participants à la cérémonie tenue en Suède ont adopté un message de félicitations à l'adresse du camarade Kim Jong-un.